Nuisance sur Canal Second. Thank you.

Ouais. écoutez Canal Sud 92.2 FM. C'est Nuisance. Nuisance. Nuisance, c'est sur Canal Sud. Canal Sud, c'est en France. C'est important qu'on s'amuse bien, alors voilà quoi, on est parti pour s'amuser encore quelques heures. Encore 3 ou 4 jours même. 4 jours même. 4 jours même. C'est pas pour dire, mais on est mal barré. On est grave mal barré. Alors si vous êtes tous avec moi, abandonnez tout de suite. pas Jean Jaurès. C'est en face du de la Malta fait à l'ici. Là-bas, c'est pareil, les mecs, ils y sont allés avec des faux noms, quoi. Ils sont présentés solo, en faux nom. Et genre, ils ont eu la traite vernale et tout. Mais moi, ça m'a trouvé. Thank you. Le combiné, pendant que tu dialogues avec rien, rien ne passionne. Des Ilias en ce monde. Il y a donc des Ilias, mais bon, ce ça ne fait pas devoir. Espérer, l'espoir, c'est con. Ça veut dire qu'on est déjà mort, qu'on veut renaître encore. Nobody. Nobody walks with me. Nobody will. I seem to be the longing for pressing. The value is suddenly shut on a door ajar. They whisper alongside the mountain top. Unite in wondrous goldfish cannot tank. I seem all over again, back against the door. Shut down of a clinging shut. On a vein of a golden clunking. On a vein. Salle des veines de mon truc entre les jambes. The crotch as a crutch. Fuck it, I don't mean it. Pas cher la déveine d'Aztec et putride insatisfaction. On a whispering height, full of shit. I'm no so sure, I wanna know. Sur le truc, tard et tout, j'emmerde exprès. Pour défaire le nœud coulant, j'obstrue la pensée. Débilitance de l'occupationnisme, fais la sieste. Tu pioches dans un excès de saucisses sèches. Ainsi l'obnubilance, mal exprimée de l'autre. Ainsi l'antre obscur de la vie sexuelle. I don't give much of a goddamn fuck what happens to us. That's the secret, yeah. Comme je vis revolté sur le long du large. Piochant derrière, par derrière la force. Je pique des sucettes aux gens atrophiés du ciboulot. La ciboulette mal indiquée ne sente pas dans la tasse. De thé à la verte menthe. Je lèche le cul du trou. La balle persistant à zigzaguer, elle le suspend. Thing is to be worked upon, comme d'hab. The solution is on a page of rotted notes. As always, the ringing of the cars hears past it. It se déballe un traversant puéril souci de quiétude qui puise dans un inquiétant génie. Le frottement incessant de l'énergie usée semble to spoil, gâter la viande, salaison, rotted down. I quit, j'abandonne, l'inquiétude me quitte et je secoue les branches de la vigne complètement crevée. Cette merde intransigeante ne permet plus, les inquiétudes me quittent, les mots. Et j'inspire et j'expire sur le dos, suivant le balancier, intemporalisant, j'encule. L'espace suit un temps, collant puis graduellement, moribond et suave, je recherche le tuer ou là, basse condition que la nôtre. Situation intrinsèque, intrin humide, je m'en fous. I don't care. L'oubli. L'oublieuse expérience de l'enfance ainsi faite, surfus de chaînes, enchaînés au poteau, trahison du potentiel, choix difficile, difficile choix. Ainsi, l'introduction à une parenthèse effacée, de la mémoire à nos jours, ne pas confondre, les éternelles exclusions, inclusion de l'obscène, traversée de l'océan cannabique, bisque rage, entraînant la perte de potentiel et mémorisation, ne traverse pas le pont en bois cramé, comme un macramé, homard macramé. Ainsi, la fin ne moyenne pas la justification, explication traversante de la perte blanche ou verte ou noire comme olive, sucre de cerise. Fructose dissous en lame, ne suggérant pas l'éternelle conviction de l'être. Je ne joue pas à être relativement jeune. La jeunesse ne rivalise de l'être que passé, à perdre le temps qui ne demeure en rien. Évoluons, à reculons, la fonctionnalité ne se démet pas en travers de la discutante voix. Jeu de course, PMU, jeu de loi, mère grand, tu as une si belle trogne, usée jusqu'à l'os. À moi le travers, à moi la traversante obnubilance de l'incantatoire textuel, ne te permettons pas l'oubli, je me permets pas, que veux-tu de moi, non, que te donne-je, que nini que la sociétale fabulation extraordinaire histoire, de l'autre à soi sans emploi, le temps ne trépasse qu'avec éternité, l'espace vide de vacuité, plein de sombres inconnus, régi par des lois inconnues ou méconnues. De la ligne droite traversant le virtuel, impression latente d'un écran sans sauvegarde, garder les expressions prestantes contre absolu. La vie ne permet pas la tâche sans destruction, propret, proprette, sale terre battue, guerre des entrées, des contraires, plutôt que paix des équivalences, on ne refuse rien à la décision, indécisive comme incisive, comme excision. arrive à dater. Plutôt, le chien n'a pas le canard. Déchaînés qu'ils sont, ils savent tout sur la réminiscence. Je ne suis que l'ombre placardée d'un profil bassement humanitaire, humanisé par l'oublieux système de pensée des autres. Canal Sud. Respect de toutes ces chiottes, trop sensibles. qui pose problème. La sensibilité de merde. Que je nique, je baise, je l'encule. À te faire enculer, gros con de merde, tu peux, je t'encule, papa. À te faire niquer, grosse pute de chiotte, tu suis, je te baise, maman. Pourquoi tu veux quelque chose quand y'a rien à voir? Bâtard de merde, mourir ta mort. Ce que tu fais, à te faire tringler par le cul. Alors tous vous faire mettre. Allez, allez tous vous faire niquer. Face de chiotte. écoutez Canal Sud 98.2. C'est une nuisance. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement Nuisance, Nuisance, émission qui nous sens, émission de toutes les nuisances, émission du non-sens et de sa dénonciation. Votre révolte est menée évidemment avec des armes. Et c'est Nuisance qui est fini maintenant. D'où proviennent ces armes? C'est une question à dire.